Et Cécilia Dercollet, Paris 1. Alors, je suis... m'excuse, je suis arrivée en retard, donc peut-être que je suis complètement... comment dire... pas tout à fait dans, dans les discours. Si j'ai bien compris, nous sommes dans un moment de bilan et perspective, en fait, pour l'année prochaine. Alors, comme bilan, moi, je pense que ce séminaire a eu une fonction essentielle, c'est-à-dire de tenir... pardon, excusez-moi. Déjà, de garder les liens. C'était quelque chose de très important. De permettre des pistes d'analyse et des pistes vraiment très différentes, et c'était un autre but essentiel. Maintenant, je vois qu'il y a plusieurs plans de la discussion qui sont tous également valables. Je veux dire, il y a un aspect technique et juridique très, très important. Et qui montre aussi les mécanismes des pièges dans lesquels on tombe, hein, parce qu'on croit, on dévance même nous-mêmes les attaques, mais bon. Et démontre aussi une habileté stratégique, en fait, de ceux qui sont en face, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a évidemment une, comment dire, un débat entre une forme d'opposition qui est désormais structurée, qui s'exprime par les syndicats, etc., et ce qui a été le mouvement de l'an dernier, qui était quelque chose de très spontané, enfin, qui est né comme quelque chose de spontané, probablement pour une conjonction que le ministère a sous-estimée entre deux attaques, deux réformes qui visaient d'une part à une limitation du statut dont on parlait, du maître de conférence, de l'enseignant-chercheur, qui est parmi les, qui est un statut effectivement dans un sens privilégié parce que il est garanti en fait du point de vue de l'indépendance intellectuelle. Et en même temps, le rôle de formateur, donc c'était, je pense qu'ils ont sous-estimé ce potentiel de comment dire, relativement explosif. En fait. Bon. Alors, toutes ces choses sont présentes. Je pense qu'elles continueront. Moi, je pense que là, dans le débat, et même aujourd'hui, il y a des grands absents, ce sont les étudiants. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense, très honnêtement, quand je regarde... Quand je reviens, en fait, au mouvement de l'an dernier, moi, je pense que sur ça... On a quand même marqué une... Enfin, on n'a pas... nous n'avons pas réussi à avoir les étudiants vraiment avec nous jusqu'au bout. Enfin, moi, cette année, j'ai vu que des étudiants nous reprochaient d'avoir été en grève l'an dernier. Des étudiants qui étaient syndiqués, qui étaient... Et pourquoi avec des arguments qui étaient vraiment d'usagers de la fonction publique, comme ça. Vraiment d'usagers et non pas de... Enfin... On n'a pas réussi peut-être à expliquer vraiment jusqu'à quel point c'était... Ou alors on ne s'est pas engagé franchement sur le terrain de la LRU dès le début, en fait. Donc, l'autre chose que je voudrais suggérer et que j'ai beaucoup apprécié ici, en fait, dans les débats que j'ai suivis, et c'est l'ouverture internationale. Je ne peux pas... Enfin, nous ne pouvons pas oublier. C'est vrai que ça nous amène loin, etc. Et ça pourrait aussi décourager, parce que si on a... à faire un mouvement de si grande ampleur, on ne bougera jamais. Mais on ne peut pas sous-estimer que c'est un... à mon avis, on ne peut pas sous-estimer la coïncidence, en fait, qu'on voit dans plusieurs États, dans plusieurs nations, en fait, de cette attaque frontale à l'éducation, à la culture. On a écouté ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Bon, c'est la catastrophe depuis quelques années, mais bon. La Grèce, n'en parlons pas, en fait, en ce moment. Et je pense qu'on a intérêt quand même à élargir, à continuer sur ces pistes d'analyse, je crois. Pour le reste, je ne peux pas donner de mot d'espoir à la fin, mais bon. Oui, alors moi, je suis très sensible à ce que tu viens de dire, hein, et c'est ce que nous allons essayer de faire l'an prochain. J'avoue que nous tendons à considérer que nos forces ne sont pas infinies, que l'organisation de ce séminaire a eu des moments difficiles, hein, et... nous allons essayer de continuer, et précisément sur les deux tableaux que tu as dit. Alors, vous savez, moi, je suis historien de la période moderne. Alors, maintenant, les collègues nous expliquent que les paysans du XVIIIe siècle, ils ont obtenu des choses significatives en déposant, en faisant des procès aux seigneurs, hein, devant les parlements. Et de fait, il les gagnait assez souvent. Bon, moi, je veux bien, hein, et je pense que ça a effectivement été, épisodes importants qui marquaient en particulier la complicité qui commençait à apparaître entre donc les Français les plus ordinaires, les plus courants, qui cultivaient la terre, et un certain nombre de juristes, avocats, qui se ralliaient à leur point de vue pour des raisons sans doute très fondamentales à cette époque. J'ai aussi le souvenir des succès très réels que nous avions obtenus en 1986 dans les recours qui avaient été remportés par les syndicats et les collectifs contre la suspension des concours du CNRS et d'autres choses qui étaient des coups de force donc extrêmement violents. Cependant, moi, à mon sens, je pense, j'ai peut-être tort, que le gouvernement actuel est extrêmement violent, politiquement. Il est politiquement très violent, et c'est la raison pour laquelle je crois que les recours juridiques sont une arme extrêmement précieuse, et qu'il faut pousser jusqu'au point, jusqu'au bout où on pourra aller. Mais que ça ne saurait suffire. Et alors, il y a eu des choses étranges. Moi aussi, j'ai ce sentiment. Il y a un certain nombre de collègues, on se demande bien pourquoi ils ont peur. Il y a des collègues qui ont peur. Ils ont peur de quoi au juste? Et ils ont tendance à, répondant à ce sentiment étrange, faire des choses qui vont pas tout à fait contre dans le sens de leurs idées et de leur analyse. Je trouve ça très surprenant parce que c'est vrai que notre statut est quand même assez protecteur et que on a un certain nombre de libertés dans la fonction publique et dans l'enseignement supérieur qui n'existent absolument pas dans les entreprises privées aujourd'hui. Et là, je crois que c'est une tâche collective qui nous attend. Mais il y a pire, si vous voulez, c'est que ce sentiment d'apathie, et il est quand même... Alors, je sais que l'École des hautes études est un établissement un peu particulier, je suis quand même frappé par le niveau d'adhésion aux réformes. Ça ouvre des espaces de liberté, disent des tas de collègues. Et tas de collègues dont on ne peut pas soupçonner qu'ils aient voté pour le président qu'on mérite, paraît-il, que nous avons à la tête de la République. Bon, ça aussi, ça me semble tout à fait étonnant. Or, moi, je m'interroge, parce que nous sommes tous des intellectuels, nous sommes certainement pas excellents. Moi, j'ai pas la prétention d'être excellent. Je suis très étonné que j'ai quand même la prétention de faire mieux que ce que j'ai fait. Mais ça me paraît normal. La prétention d'être excellent, ça m'étonne beaucoup de la part des collègues. Enfin, ça les regarde. Mais dans ce cadre, si vous voulez, ces collègues, ils ont aussi un esprit critique. Ils ont aussi des opinions qui sont pas moins fermes que les nôtres. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils sont habités d'un tel esprit de capitulation, je ne parle pas de tous, mais d'un certain nombre, envers une politique qui détruit les fondements même de notre profession. Et là, je m'interroge. Ça a été aussi un des problèmes du mouvement de l'an passé. On était nombreux dans la rue, mais on n'a jamais dépassé 30 à 40% du milieu. Pourquoi est-ce que les autres se sont terrés tranquilles? C'est considérable. C'est énorme. Oui. Exceptionnel. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, je suis étonné de ton étonnement. C'est absolument inédit. Isabelle veut dire quelque chose. Isabelle Macouche, qui est maître de conférence dans notre établissement et élue. Je ne me souviens plus si au CA ou au CS.